What did you do when you made the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently had been doing something. Allez-vous, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four, numéro 442 sur RIG 90.7. Nous sommes le 19 février 2020, alors avec 5 jours de retard, nous allons fêter l'amour. Cette saga est une spéciale Love. Il n'y aura que des titres qui parlent d'amour, que des titres faits par John, Paul, Ringo et George, sauf un qui sera la cover, mais je vous donne déjà la cover, ce sera The World. Donc c'est The World and You'll Be Free, etc. Voilà, je n'ai même pas envie de vous donner les titres juste parce que ça me fait bien rire de vous donner aucun titre et de vous laisser découvrir ce que j'ai programmé pour vous. Je vous propose d'aller sur le groupe Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, de façon à nous retrouver dans le topic qui est tout en haut, le topic sur le, dans lequel il y a un cœur. Là, il y a Love Saga, je crois, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. C'est là que nous allons parler ce soir de la saga des Fab Four, avec plein d'amour, j'espère. Voilà, il y a deux mains qui font un cœur, comme on le faisait avec les Wings, etc. C'est la saga des Fab Four numéro 442, et vous êtes déjà là. Il y a Roger qui est là, Stella qui est ici, Caroline aussi, Rook, Laurent. Et il y en a d'autres qui vont arriver, je n'ai pas le temps de voir tout le monde, mais bonjour à tous et à toutes. J'espère que ça va bien se passer et que ça va vous plaire. Donc, rendez-vous juste après le générique pour la première chanson qui se passera aux alentours de l'année 1965. Je vous laisse deviner le titre, mais ce sera bien. Allez, à tout de suite, la saga, c'est parti tranquille, une saga Love. Premier titre, is there anybody Girl. To listen to my story, all about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl. To cry, and she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah. she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Nous sommes en 1965 sur l'album Rubber Soul. Quand on le questionna pour savoir qui se cachait derrière la fille de Girl, qui veut dire fille, je ne vous le cache pas, John répondit qu'il s'agissait d'un personnage de rêve, la femme idéale qu'il n'avait pas encore rencontrée. C'est vache pour Cynthia quand même. « J'ai toujours rêvé qu'elle entrerait dans ma vie », expliqua-t-il. « Je savais que ce ne serait pas quelqu'un qui achète des disques des Beatles. J'attendais une femme qui serait capable de me donner ce que les gens me donnent intellectuellement. Je voulais quelqu'un avec qui je pourrais être moi-même. Pourtant, la fille de la chanson est loin de ressembler à la femme idéale. Elle est cruelle, vaniteuse, et elle l'humilie. Il y a peut-être deux filles différentes dans cette chanson. La fille idéale du début, sans laquelle il est incapable de vivre, et la fille de cauchemar de la seconde partie qui le ridiculise. Les seules déclarations que fit John au sujet de cette chanson ne concernaient pas son idée de la femme idéale, mais la religion chrétienne. En 1970, il révéla à Rolling Stones que les vers Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Lui a-t-on dit quand elle était petite que le plaisir viendrait de la douleur? Et that a man must break his back to earn his day of leisure, que quelqu'un, qu'un homme doit se briser le dos pour mériter son repos, était une référence au concept catholique et chrétien, souffrez et tout ira bien. Il ajouta, j'essayais de dire quelque chose, de m'exprimer au sujet de la religion catholique à laquelle j'étais opposé à l'époque. Il parlait probablement de la partie de la Genèse qui traite des effets de la désobéissance d'Adam et Ève et où il est dit à Ève « tu enfanteras dans la douleur ». Le christianisme, et Jésus en particulier, semblait contrarier John. Et oui, à l'époque où il écrivait « Girl », il dévorait tous les livres qu'il pouvait trouver sur la religion. 4 mois après avoir composé « Girl », il donna à Maureen Cleave l'interview dans laquelle il déclara que les Beatles étaient devenus plus célèbres que Jésus. Dans un registre beaucoup moins sérieux, la plaisanterie dans Girl est que Paul et George, qui assurent les chœurs, répètent tout au long de la chanson le vocable « tit », qui au départ semble être une onomatopée, mais qui évoque également les seins en argot. Ouh, ils étaient coquins, les Beatles. On a fait pire après. La chanson de référence, « My Love », Paul McCartney. Well, I know my heart can stay. It's understood, it's in the hands of my love, and my love does it good. I'll still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. Oh, misunderstood. It's everywhere with my love. John avait travaillé au moins 2 ans sur Real Love, et bien qu'une grande partie du public n'en ait pas eu conscience, Une version avait été utilisée dans la bande-son du documentaire de 1988 d'Andrew Salt, Imagine. Très bon documentaire. Elle débuta sous la forme d'une chanson intitulée Real Life, dont les couplets devinrent plus tard Stepping Out, présente sur l'album posthume Milk and Honey. Mais le refrain It's Real Life, Yes It's Real Life paraissait trop bon pour être abandonné. Le thème de la chanson, je reviens à ce qui est vraiment important dans la vie, était le thème principal de toute sa production post-Beatles. Il abandonnait les vieilles chimères, se débarrassait de tout le superflu et dans le cas présent, revenait à la réalité du quotidien, des cigarettes, des bébés, des journaux et le blues du matin. La version réécrite, toujours intitulée Real Life, se rapprochait de la version sur laquelle les Beatles allaient travailler. Une grande partie des paroles finales étaient déjà là, mais pas nécessairement dans le même ordre. Lorsque John changea finalement les paroles du refrain de Real Life en Real Love, le thème en devint son amour pour Yoko Ono. Il avait souvent dit dans des interviews qu'il pensait qu'elle avait toujours été la personne à qui s'adressait son besoin d'amour et d'admiration, avant même qu'ils n'eussent fait connaissance. La fille aux yeux kaléidoscope, c'était elle, comme il l'écrivit dans The Ballad of John and Yoko. Quelqu'un que j'avais déjà connu, mais que j'avais perdu. Real Love grimpa en 4e place des charts britanniques à partir de mars 1996. On reste avec John Lennon, l'une de ses plus belles chansons également, 1970. La chanson s'appelle tout simplement Love. Paul également sait écrire des chansons d'amour. En voici une, My Valentine. Extrait de l'album Kisses on the Bottom. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. C'est avec amour que je vais vous parler du meilleur site pour pouvoir se renseigner sur les Beatles. C'est le site de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. que cette chanson ne faisait pas partie à l'origine de l'album All Things Must Pass. Il a bien fait, George Harrison, de le rajouter lors de la réédition en l'an 2000 et pour les 30 ans de l'album. C'est très très bien. Merci George. Et aujourd'hui, vous avez constaté, on fête l'amour dans la saga des Fab Four sur RIG dans cette émission qui a commencé, pardon, quelque part, j'ai un chat dans la gorge, qui a commencé quelque part en 1984 et qui dure et qui dure et qui dure tant que vous serez là, je serai là. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. The road where maybe I could see another kind of mind. Then, ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. Had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. How to get you into my life. What can I do, what can I be, when I'm with you I wanna stay there. If I'm true I'll never leave, and if I do I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life. wrong. Loving song, loving song, loving song. Let's go. Think about them. In my life, I love you more. Temps passé, des endroits dans lesquels il a vécu, il se souvient avec amour, John Lennon en 1965 sur l'album Rubber Soul. La même année, en 1965, It's Only Love sur RG. I get high when I see you go by. My oh my, when you sigh, my mind side just flies. Butterflies, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you. Vous avez compris le thème de cette soirée spéciale de la saga des Fab Four. J'ai recherché dans les chansons entre 1962 et maintenant les titres dans lesquels il y avait le mot « love ». En voici un, par exemple, sur « Press to Play » en 1986, « Only Love Remains » sur RIG. And if you take your love away, Star aussi a chanté des chansons dans lesquelles il y a le mot love. Par exemple, Love is a Many Splendid Thing en 1970 sur l'album Sentimental Journée. The April rose that only grows in the early spring. Let all the darkness go. choose love. Par deux fois et Ringo même une troisième fois, cette fois-ci en 1998, c'est I'm Yours sur RIG. Quelque chose de complètement différent. McCartney compose tout le temps. Quelquefois, ça ne paraît pas sur les albums, et puis ça finit par venir sur les versions spéciales, etc. Une chanson qu'il avait composée pour un de ses enfants et qui était parue dans One Hand Clapping en 1974. C'était resté inédit pendant très très longtemps. Voici Love My Baby sur RIG. But I wanna shout it. Love my baby and that's good enough for me. Yeah, well I love my baby and I wanna shout. I don't know what she's talking about, but I love my baby and it's good enough for me. Well Lover in the evening time, lover in the night. Lover in the morning when the moon is big and bright. That's right, now love my baby, wanna shout. Oh, don't know what she's talking about. I love my baby, that's good enough for me. Bam, bam, bam, bam. I said the bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Well, I love my baby, that's good enough for me. En 1980, John Lennon nous offrait la chanson d'amour de référence, même si c'est une chanson pour Yoko, c'est une chanson pour la femme en référence par rapport à nous les hommes. Voici Woman sur RG, j'adore cette chanson, permettez-moi de la dédier à Alexandra. Faith and hope. sadness. Du 20e siècle et même du 21e, Monsieur Paul McCartney, en 1976 sur At the Speed of Sound. J'adore cette chanson, elle est très très très belle. Nous allons passer à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou après la séparation, même si eux-mêmes, par exemple, reprenaient la chanson d'un de leurs pères, comme Eddie Cochran, si vous voulez, comme Chuck Berry ou qui vous voulez. Bref, même d'autres, puisqu'après la séparation, par exemple, George Harrison a fait quelques très très très belles reprises. Je pense à Baltimore Orioles, je pense à d'autres, et on en écoutera une tout à l'heure de Cole Porter. Bref, cette semaine, j'ai choisi un groupe qui s'appelle Blues Beatles et qui vous chante The World, cet extrait de l'album Blues Beatles. On ne peut pas faire plus simple. Sun. continue notre exploration des chansons avec le mot « love » dedans, ou dont le thème c'est « love ». Voici sur A Sideman's Journey en l'an... Ah, alors je sais plus, tiens, je vais regarder ma feuille. A Sideman's Journey, c'est en 2009. Ce n'est pas un album de Paul McCartney, mais dans cet album-là, Paul McCartney chante « I'm in love again ». For you. Need your loving and I need it bad. Like a dog been going mad. Ooh, baby, ooh-wee. Baby, won't you give your love to me? Eeny, meeny, and miny, moe. Don't be no one around no more. Ooh, baby, ooh-wee. Baby, don't you let your dog bite. Show I care. Week, sorti sur l'album For Sale en 1964. On reste avec les Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving. Si on parle d'amour, on est obligé de passer par là. All You Need Is Love, la pièce, le chef-d'œuvre, le masterpiece de 1967. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Impeccable, rien à dire, tout est parfait. Qu'est-ce que c'est qui grince comme ça? On va couper la chanson. En 1970, Paul McCartney faisait une chanson spécialement pour Linda, une chanson dans laquelle il dit « Peut-être que je suis totalement surpris, stupéfait. » C'est « Maybe I'm amazed ». Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, le mercredi de 20h à 22h. La radio des Beatles. lieutenant John, Oh My Love, en 1971 sur l'album Imagine. Et vous avez deviné, il y aura Ringo juste derrière. On haunting me, qui rend hommage à son copain George Harrison en 2003 sur l'album Ringo Rama. Puisqu'on parle de George Harrison, le voici en 1973 et cette superbe chanson, un chef-d'œuvre de la part de George, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, sur Living in a Material World. Life, keep me free from birth. un peu plus d'une vingtaine de minutes, ce sera Eric qui vous parlera d'amour à sa façon, avec Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, l'amour arrive à tout le monde. Alors un de ces jours, ça m'arrivera à moi, j'espère. C'est George Harrison en 1979 sur un album qu'il a appelé très intelligemment George Harrison. Faire un tour parmi les Beatles, je vous propose une chanson de 1976 sur l'album Rotogravure, chanson écrite par George Harrison pour son pote Ringo Starr, c'est I'll Still Love You sur RIG. 1964. And I Love Her. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. Cette chanson Here, There and Everywhere. I need my love to be here. Here. Making each day of the year. Changing my life with a wave of the hand. Nobody can deny that there's something. disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to dans une chanson d'amour. Vous savez, ces stupides chansons d'amour. Silly Love Song, la dernière chanson, extrait de Wings at the Speed of Sound sur RIG. Je compte sur vous dans les chœurs pour le I love you. I'd like to know, 'cause here I go I 'cause here I go. Doesn't come at all. I only know that when I'm in it, it isn't silly. Love isn't silly. Love isn't silly at all. Hey, je sais que vous serez là la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et je sais que je vous laisse en très très bonne compagnie puisque c'est Eric dans quelques instants pour Johnny de A à Z. Merci les filles, poignement aux garçons et puis beaucoup d'amour pour tous ceux qui ont la chance d'en avoir. À très bientôt, salut, ciao.